Elle m'appelle, j'suis dans le rooftop. J'me roule des joints de Snoop Dogg. Tu sais bien que j'suis un rude boy. Mais j'suis toujours dans le good vibe, man. Dans le bolide, ma jolie. J'pilote comme Valentino Rossi. J'regrette pas tout ce que j't'avais promis. Une vie comme Elvira et Tony. De toute façon, toi et moi on fait la paire. J'ai toujours mon nine au cas où faut faire la guerre. T'es ma crème, t'es mon chouchou, ouais. Chouchou, ouais. Chouchou, chouchou, chouchou, ouais. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. La chic de Brie, chouchou, chouchou. Chef Nicky, mais la chouchou, chouchou. Sarah Fiki, chouchou, chouchou. Mais il faut la chouchou. Atomique dans la tête, les moines âmes chez ne la testent pas. Elle a la classe quand elle débarque dans la presse. On se crosse dans les dents, un peu gain comme un coup d'état. Trop speed sur le déco si tu suis pas. Jolie princess, rêveur de s'en aller. En haut de son bateau, elle jette bouteille à la mer. Au loin, Romeo a répondu à l'appel. Il lui avait promis qu'à deux il ferait la paire. Pour les autres, c'est pas d'bol. Avec elle, il s'enjoy. Bad girl looking good boy. De sa gramme, c'est son chouchou, ouais. Chouchou, ouais. Chouchou, chouchou, ouais. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. Adelaide, chouchou, chouchou. La chic de Brie, chouchou, chouchou. Chef Nicky, mais la chouchou, chouchou. Sarah Fiki, chouchou, chouchou. Meilleur dans la vie, chouchou. Complètement dans le love. Complètement. Chef Nicky, mais la chouchou. Chouchou. Sarah Fiki, chouchou.